agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap. Depuis le 18... Il sut apporter à l'exercice de la plus haute charge de l'État cette simplicité, cette modestie qui est en effet le fondement des démocraties et qui assurera la vie des démocraties contre tous les régimes qui sont fondés sur l'orgueil. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, la Vulgate est bien établie. La situation et le rôle du président de la République, qui est doté sous la cinquième de pouvoirs essentiels au cœur des institutions, serait en violent contraste avec ceux de ses prédécesseurs d'avant 1958, au temps de la troisième et de la quatrième. Ceux-ci n'ayant eu guère que des fonctions protocolaires, vouées, comme l'a dit De Gaulle un jour, à inaugurer les chrysanthèmes. Le même De Gaulle qui, évoquant dans ses mémoires sa rencontre après la libération avec Albert Lebrun, hôte malheureux de l'Élysée lors de la débâcle de 1940, écrivait « Au fond, comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État ». Et pourtant, la réalité est plus compliquée, non pas qu'il s'agisse de nier que la Constitution de 1958, complétée en 1962 par l'élection du président au suffrage universel, que cette constitution ait marqué une évolution majeure dans l'équilibre des pouvoirs en France. Mais les oppositions binaires nuisent souvent à la compréhension des mutations. Depuis Jules Grévy, dans les années 1880, jusqu'à René Coty, élu en décembre 1953, les présidents de la République antérieure ont pesé sur le destin de la nation de façon fort inégale et sur la longue durée, dans l'ensemble, de manière croissante. Une évolution qu'il m'a paru intéressant d'éclairer à un an de la prochaine échéance qui déjà occupe tant les esprits. Nous allons le faire en tirant avantage de la parution d'un ouvrage qui est d'importance majeure, celui de Nicolas Rousselier, mon invité, qui enseigne de longue date à Sciences Po. Son livre s'intitule « La force de gouverner » et il porte comme sous-titre le pouvoir exécutif en France du 19e au 21e siècle. Un livre qui foisonne en informations, en réflexions, en suggestions pertinentes. Le sens des nuances, omniprésent, n'y affaiblit jamais la fermeté du propos. Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Je suis fier de lui remettre la charge de cette maison capitale et d'avoir ainsi l'occasion de lui renouveler l'hommage qu'en y entrant, j'avais tenu à lui rendre au nom de la patrie à jamais reconnaissant. Ainsi entre en vigueur les institutions rénovées de la République française et les institutions nouvelles de la communauté. Ainsi prend ses fonctions celui à qui l'une et l'autre ont une fois de plus attribué la charge de les conduire vers leur destin. Nicolas Rousselier, bonjour. Bonjour. Je vous ai transporté le 8 janvier 1959, moment symbolique où René Coty, le dernier président de la 4e République, transmet les pouvoirs à la tête de l'État à Charles de Gaulle, président de la République et de la communauté. La communauté, ça a été l'institution assez provisoire d'ailleurs qui a réuni les anciennes colonies françaises. Voilà une coupure, une rupture dont l'importance a parfois été, c'est le thème de votre livre, exagérée. Vous l'éprouvez toujours ? C'est vrai que personne ne peut nier l'importance de la rupture et de changements constitutionnels. Il est clair qu'à partir de 1958, le rôle du président ne sera jamais le même que ce qu'il pouvait être avant. Ce qu'on a exagéré, c'est l'importance de cette rupture, l'impact de la rupture, puisque bien des changements ont eu lieu avant 1958. Simplement, pour comprendre les changements, il y a une question d'angle d'attaque ou de point de vue. C'est-à-dire que ces changements, on peut guère les voir si on se contente de lire les textes des constitutions, les textes juridiques, en fait une approche juridique. En revanche, si on s'intéresse au fonctionnement des institutions, à la manière tout simplement du travail politique, le travail quotidien, le processus de décision, on voit que beaucoup de choses ont été faites avant 1958. Et j'étais intéressé par la formule qu'utilise René Coty quand il s'adresse à De Gaulle, en disant « je vous confie la charge de cette maison capitale ». Et je trouve ça intéressant, cette expression un peu curieuse, cette maison capitale, il parle de l'Élysée, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'était une maison, une sorte de ruche, où il y avait des gens qui travaillaient, des conseillers qui conseillaient le président, qui s'organisaient, qui avaient chacun leur fiche de poste, un organigramme. Et ça, ça existe avant De Gaulle. Alors, je voudrais que nous en venions d'abord aux origines d'une méfiance. La méfiance extrême que, depuis 1789, en réalité, en tout cas depuis 1792, Première République, les dirigeants, les républicains ont eu à l'égard du pouvoir exécutif. C'est-à-dire une méfiance assez ambivalente, parce que on craignait qu'il y ait un débordement, et en même temps on éprouvait bien, c'est clair chez Robespierre par exemple, on éprouvait bien qu'on avait besoin de ministres, on avait besoin que la diversité potentielle de la nation soit rassemblée grâce à des institutions pérennes et solides. Oui, le terme même de pouvoir exécutif, en fait, on l'a fabriqué pour à la fois concevoir et concéder la nécessité de l'existence d'un gouvernement qui notamment s'occupe des affaires courantes, du quotidien, et en même temps, le terme d'exécutif était bien là pour préciser que le pouvoir devait être subordonné à un pouvoir qui, lui, donne l'impulsion, crée la loi, fabrique la loi, et finalement, l'idée d'un pouvoir dit exécutif était celui qui se contentait presque mécaniquement, sans avoir la volonté de son acte, en étant simplement comme une sorte de machine qui ajoute à la volonté exprimée dans le Parlement, qui ajoute donc l'application, le moment où on applique la loi. D'ailleurs, on se rappelle qu'au début des années 2000, le président de la République, Jacques Chirac, avait dit à propos de Nicolas Sarkozy, ensuite beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, avait dit « je décide, il exécute ». Mais alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la méfiance des républicains, une fois que les républicains se développent, elle est double. C'est-à-dire qu'à la fois, le pouvoir exécutif irrémédiablement fait penser au monarque, au roi que l'on a aboli, et en même temps, le danger d'un pouvoir exécutif continue à exister à l'intérieur d'une république. Il aurait été trop simple qu'une fois l'abolition de la royauté faite, que finalement la question ne se pose plus. La question ne cesse de se poser quand bien même on a changé la nature apparente du régime, l'étiquette du régime. Donc même dans une république se pose la question notamment face à une guerre, face à des questions même de troubles intérieurs, c'est ce que disait Robespierre et c'est ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au terrorisme, se pose toujours la question d'un pouvoir qui ne peut pas être totalement contrôlé par le Parlement, parce qu'à certains moments, face à la guerre par exemple, c'est un pouvoir qui doit prendre des décisions dans l'immédiateté, ce que j'appelle le pouvoir en direct, qui doit donc être dans l'urgence, et l'urgence qui se double souvent du secret. Donc urgence et secret, ce ne sont pas vraiment deux termes qui peuvent convenir à la manière de fonctionner du Parlement. Et donc, on a toujours reconnu, même à contre-cœur, chez les Républicains, la nécessité de quelque chose qu'on essaye de délimiter, de circonscrire au maximum, mais qui reste, qui continue à exister, c'est-à-dire ce pouvoir qu'on veut appeler exécutif, mais qui de temps en temps n'est pas exécutif du tout. C'est-à-dire que quand il faut choisir d'envoyer la troupe pour réprimer un trouble, ce n'est pas un pouvoir exécutif, c'est un pouvoir qui prend la décision et qui en rend compte a posteriori, quand il en rend compte a posteriori au Parlement. Mais Robespierre évoquait le pouvoir exécutif dénonçant lui-même une contradiction entre celui à qui le peuple a commis son autorité et en même temps celui dont on sait à l'avance qu'il cherchera à développer son ambition et à rétablir, c'est toujours Robespierre qui s'exprimait, le despotisme. On est là vraiment au cœur d'un souci qu'on retrouve très clairement après la chute du Second Empire, au moment où les républicains vont progressivement fonder le nouveau régime. Qu'on retrouve pendant toute l'histoire républicaine, hein, jusqu'en 1958, et même encore après 58, quand la gauche critique de Gaulle et voit dans de Gaulle un pouvoir qui risque toujours de verser dans l'absolutisme, ou en tout cas dans une forme de pouvoir autoritaire. Donc il y a toujours cette espèce de schizophrénie. C'est-à-dire que d'un côté, on sait qu'on ne peut pas faire autrement. On sait qu'il faut un pouvoir qui, dans les circonstances exceptionnelles, prend des décisions. Et en même temps, on craint constamment l'existence de ce pouvoir. Et vous avez eu raison de dire que Robespierre et d'autres républicains, c'est faute de pouvoir imaginer autre chose. Ils ont eu beau réfléchir à des formes d'utopie, de collégialité du pouvoir et du gouvernement. En fait, ça n'a jamais réellement fonctionné. Par exemple, l'épisode du directoire a ensuite été réfléchi comme la preuve de cette difficulté, voire de cette impossibilité à faire un gouvernement collégial, c'est-à-dire un gouvernement d'où on aurait pu éliminer le risque d'un pouvoir concentré. Il y avait cinq directeurs. C'est pire encore, plus difficile que quand il y avait deux consulats à Rome ou trois consuls au début de la domination de Napoléon Bonaparte. Et naturellement, comme vous le dites, les périodes de guerre rendent particulièrement aigu le besoin d'une autorité. On le voit avec la personnalité de Gambetta, qui n'a jamais été président de la République, mais qui a incarné, en somme, par son rôle historique au moment de la guerre de 70-71, qui a incarné cette contradiction. Et Gambetta prend en charge en bonne partie la défense nationale, essaye de coordonner autant qu'il peut le faire des armées en partie improvisées dans l'automne et l'hiver 70. Et ce qui est assez étonnant, c'est que non seulement ensuite il est accusé d'avoir failli, d'être allé jusqu'à l'échec militaire, mais dans le propre camp des Républicains, le rôle qu'il a eu pendant quelques semaines, quelques mois, lui a donné une mauvaise réputation de quelqu'un qui veut aspirer à un pouvoir autoritaire et un pouvoir de dictateur. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que son gouvernement, au début des années 1880, comme président du Conseil, a été aussi bref. Inquiétude de partout. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui, aussi glorieux qu'il soit, prétend surmonter nos propres personnalités? Et la défiance à l'égard d'un pouvoir personnel, c'est-à-dire d'un pouvoir exécutif qui serait concentré dans une seule personne, cette défiance chez les Républicains, elle est tellement forte qu'elle s'adresse à la fois à la forme du gouvernement. On ne veut pas, bien sûr, d'un monarque, mais on ne veut pas non plus d'un président de la République qui serait un président fort. Mais elle s'adresse aussi, en fait, à la formation du parti politique. Parce que le Parti républicain, dans ces années de Gambetta, Jules Ferry, jusqu'à Clémenceau, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Parti républicain existe d'un côté comme formule qu'on invoque, comme formule, je dirais, de second degré. Mais il n'existe pas comme organisation. Les Républicains n'ont jamais réussi à organiser un parti politique parce qu'en fait, ils refusaient de reconnaître un leader. Là où nos amis britanniques, enfin amis, pas forcément à l'époque, mais les Anglais... Aujourd'hui, ils le sont, évidemment. Voilà, les Anglais des années 1860-1880 ont inventé des partis politiques modernes avec un leadership extra. Du coup, on utilise le terme en français, des leaderships très forts d'Israéli d'un côté et Gladstone de l'autre, c'est presque proverbial. Au même moment, en France, on a des figures importantes, Gambetta, Jules Ferry, Valdec Rousseau, Clémenceau, etc. Mais ils ne sont pas chefs de parti. D'ailleurs, ils ne deviennent pas président de la République. Jules Ferry ne l'a pas été, il y avait songé, ni Clémenceau, qui est battu, comme on sait, en 1919, malgré sa gloire née de la guerre, bien qu'il soit le père de la victoire. Tous les premiers présidents de la République, Grévy, Sadi Carnot, Casimir Perrier, Félix Faure, Loubet ou Falière, tous ont grand soin de montrer qu'ils ne sortent pas trop la tête et qu'ils vont démocratiser la fonction. Cela est mis en lumière de façon plaisante par un chansonnier, Victor Tourtal, en 1906. La démocratisation de l'Élysée, c'est Paul Barré qui, dans les années 60, réinterprète cette chanson. L'autre matin, Falière sur son lit se dressa. Il venait de rêver de Robespierre. Vite, il s'habilla, puis il convoqua sa maison civile et militaire. Quand tous ces gens furent devant lui, il cria furieux : à partir d'aujourd'hui, messieurs, je veux voir l'Élysée complètement démocratisée. Qu'on enlève d'ici tout ce qui rappelle les rois et tout ce qui se rattache à l'Église. D'abord, je ne veux plus voir faire de compte chez moi. Et qu'on foute à bas la marquise. Et puis enfin, nouveau marat, La rue où j'habite désormais s'appellera, au lieu de Faubourg Saint-Honoré, boulevard du Général André. À table maintenant, je ne veux plus absorber qu'une nourriture républicaine. Plus de biscuits duchesse, plus de royal dessert. Pennon est bouché à la reine. Quant à mon concierge, il s'appellera Portier, car enfin messieurs, le mot concierge, quoique démocratique dans sa première moitié, est clérical par le mot cierge. Je veux aussi que mes serviteurs, frères républicains, n'aient ni frères ni sœurs. Monsieur Combes ayant fait trop d'efforts, nom de Dieu pour les foutre dehors. Et maintenant rompez, mais sachez mes amis, que je vous prie avec instance de ne plus fréquenter ni comte ni marquis. Je n'en veux pas à la présidence. Tous ces messieurs d'eux n'en font plus. En vrai démocrate, je suis bien résolu pour éteindre cette race ridicule, à leur couper les particules. Il s'agit là d'Armand Falière, qui a été président de la République de 1906 à 1913. Il y a là, Nicolas Rousselier, un assez bon résumé du souci de paraître démocratique, dans la forme évidemment plaisante. On peut rappeler que le général André était le ministre de la guerre qui, dans le gouvernement Combes, avait présidé à une certaine épuration de l'armée en faisant des fiches, comme on sait. Donc il incarne vraiment la volonté républicaine d'intervention dans le monde militaire. Oui, cette chanson est vraiment savoureuse à beaucoup d'égards, mais elle est en même temps très bien informée sur ce qui se passe à l'Élysée dans ces années 1900. En même temps, il y a tout l'aspect comique, on se moque gentiment de l'aspect anticlérical, le fait de rebaptiser les noms de rues ou les noms de plats. Mais en même temps, il y a des vraies informations, parce que l'Élysée se transforme dans cette période. L'Élysée se transforme d'abord parce que, pendant l'affaire Dreyfus, à l'Élysée, jusqu'à l'affaire Dreyfus, ce sont les militaires qui dominent ce que la chanson appelle justement la maison. Vous avez entendu, à un moment donné, il dit la maison civile et militaire. Il y avait une concurrence entre les civils et les militaires. Les militaires sont dominants jusqu'à l'affaire Dreyfus. Et pendant l'affaire Dreyfus, donc on est sous le prédécesseur, sous Émile Loubet, il y a un changement. Il y a un changement et l'apparition, pour la première fois, d'un secrétaire général, le secrétaire général de l'Élysée, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, qui devient ce personnage civil, ça n'est plus un militaire, et surtout, il devient un personnage politique. C'est un Abel Combarieux qui était le secrétaire général de Loubet, dont les souvenirs sont intéressants d'ailleurs. Voilà, et il a lutté contre des généraux, des officiers supérieurs, qui faisaient partie de la maison militaire de l'Élysée, et qui étaient tous anti-Dreyfusards. Donc en fait, l'affaire Dreyfus a accéléré le basculement vers les civils. Et là, on voit apparaître, alors c'est certes un embryon, ils sont très peu. Abel Combarieux, c'est pratiquement le seul qu'on peut qualifier de conseiller politique. Mais quand même, c'est le premier. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien à l'Élysée, on ne peut pas dire que c'est nul. Et il y a un conseiller politique qui commence en 1900, et ensuite 2, 3, 4, et ça augmente jusqu'à Vincent Auriol, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et Vincent Auriol, pour moi, c'est vraiment le premier président moderne, pas au sens constitutionnel, c'est-à-dire il n'a pas forcément beaucoup de pouvoirs juridiques, mais il a des pouvoirs organisationnels. C'est-à-dire que l'Élysée sous Auriol, c'est donc juste avant Coty, qu'on a entendu tout à l'heure. 1947-1953. Voilà, Auriol, c'est une quinzaine de conseillers, tous très bien organisés, un inspecteur des finances, un agrégé qui s'occupe de la diplomatie. Donc des conseillers qui sont vraiment capables de pourvoir, en quelque sorte, Auriol en information. Il a un secrétaire général influent qui s'appelle Forgeot et un directeur de cabinet, un diplomate, Jacques Kosciusko-Morizet. À l'époque, la famille était à gauche. Exactement, voilà. Et ce sont souvent des personnages qui ont été pris, des jeunes personnages qui ont été pris notamment dans la résistance et qui donc donnent un souffle à l'Élysée après 1945 qui est beaucoup plus fort que ce qu'il pouvait y avoir sous la Troisième République. Mais déjà sous Poincaré, la guerre aidant, on a vu se renforcer la présence du président de la République, notamment à cause des conditions de son élection qui sont intéressantes. Poincaré, effectivement, lui, ce n'est pas tellement une organisation qui serait encore importante, c'est tout simplement que Poincaré a des capacités intellectuelles tout à fait importantes, de mémoire, de capacités politiques. Ça n'est pas du tout un second couteau, comme l'était notre brave Armand Falière, qu'on a entendu dans la chanson. Poincaré, c'est vraiment le chef, disons, du centre-droit modéré des années 1900-1910. Et en 1913, il est élu donc dans un système qui était un peu compliqué, mais qui rappelle ce qui se passe aujourd'hui, un peu comme des primaires. Sauf que là, ce n'est pas des primaires ouvertes aux Français. C'était des réunions préparatoires qui se faisaient à Paris, où les députés et les sénateurs républicains, donc disons la gauche, choisissaient leur candidat, le candidat de la gauche, qui ensuite était opposé le jour venu à Versailles, Versailles où avait lieu l'élection, était opposé au candidat de la droite. Et gagnait forcément. Et il gagnait toujours, à tous les coups. Donc c'était le cas pour Loubet ou pour Falière. Et Poincaré, qui a à la fois des appuis à gauche, parce qu'il est quand même un anticlérical, un laïc, disons. Il avait dit entre vous et nous, à propos de la droite, voilà, il y aura toujours l'immense fossé de la question religieuse. C'est ça. Et donc, avant que la question sociale devienne la plus importante, la question religieuse classait, soit à droite, soit à gauche. Donc, Poincaré avait pris soin de se classer à gauche, de ce point de vue-là. Donc, il avait des amitiés à gauche, comme Léon Bourgeois, par exemple, mais il avait aussi des soutiens à droite, parce qu'il était patriote, lorrain, patriote, etc. Et pour la première fois en 1913, celui qui est président du Conseil, donc le chef du gouvernement, c'est-à-dire Poincaré, est élu président de la République. Et il est clair que le vote de janvier 1913, c'est la volonté de placer à l'Élysée quelqu'un qui a une capacité au moins intellectuelle, à défaut d'avoir des pouvoirs juridiques, mais une capacité intellectuelle dans l'idée que ce président pourra peser sur la décision. Non pas prendre la décision, comme ce serait le cas aujourd'hui, mais peser sur cette décision parce que la décision, elle est vraiment pensée de nature républicaine, c'est-à-dire l'objet, le fruit d'une réflexion collégiale. Et il est important qu'il ait été battu dans la première réunion, il faut le signaler, la réunion des Républicains, et que contre les traditions, il a décidé de persévérer. Il a donc été élu avec l'appui du centre droit et de la droite, ce qui, du coup, change complètement son assise. C'est ce que Clémenceau ne connaîtra pas, puisqu'il sera battu en 1919, avant de venir au scrutin officiel, par la réunion des gauches. Et pour vous montrer la force encore de cette tradition de méfiance à l'égard d'un pouvoir personnel, c'est que Clémenceau, en 1913, va quasiment crier à la dictature, ou en tout cas à la tentation d'être dictateur, du fait que Poincaré n'a pas respecté la tradition républicaine, a franchi une sorte de Rubicon et a maintenu sa candidature. Donc ce qui est assez ironique, parce que Clémenceau lui-même, une fois qu'il sera chef de gouvernement, en 1917, va quand même aussi jouer sur la concentration de l'autorité. Mais du côté du président du Conseil, je vote pour le plus bête, c'est le mot qu'on lui a prêté à propos d'une élection de 1913, précisément, où il avait voté pour un autre candidat qui s'appelait Monsieur Pams. Saluons-le en passant, il est assez obscur désormais. Oui, un autre Jules, mais Jules Pams, absolument. Et voter pour le plus bête, c'est une boutade, comme le faisait Clémenceau, mais en même temps, c'est plein de vérité. C'est-à-dire que le meilleur moyen, à la fois de maintenir une fonction, la fonction de président de la République, qui joue encore le rôle de celui qui incarne la concorde nationale, mais en même temps désactiver le risque politique de la présidente, le meilleur moyen, on maintient la fonction, mais on met un second couteau. Vous insistez dans votre livre, Nicolas Rousselier, vous insistez sur le rôle de la politique cérémonielle, c'est-à-dire la manière dont le président a installé son autorité dans l'ensemble des fastes, peut-être le mot est-il trop fort précisément, en fait, de l'organisation des fêtes et des célébrations et des voyages dans la République. À cet égard, tout à fait topique, je trouve, un extrait d'un propos d'Albert Lebrun. Je l'évoquais tout à l'heure, ce n'a pas été le plus influent des présidents, même d'une certaine façon, il a marqué un recul. Ce n'est pas une avancée linéaire de l'influence que vous constatez. Il a un recul entre 1932 et 1940, quand il a été à l'Élysée. Albert Lebrun s'exprime lors des fêtes du vin à Montpellier, le 2 juillet 1939. Ah, si la France n'avait pas la variété de ses saisons, la diversité de ses climats et de son sol, pour nous donner cette gamme de vins si agréable, le français, monsieur, ne posséderait pas ses qualités, cet esprit à la fois malicieux et raisonnable, ce bon sens équilibré, cette clairvoyance et cette intelligence éclairée, ce caractère loyal et courtois, qui le font aimer des étrangers, à qui ils rendent notre pays si sympathique. Continuons, messieurs, à cultiver parmi nous ces vertus de notre race. Elles nous sont plus que jamais nécessaires et utiles dans le temps présent. Ici, l'affirmation du bonheur, la joie de vivre, l'épanouissement, le libre épanouissement de toutes les facultés spirituelles et morales, le souci des productions qui sont de nature à accroître le bien-être de l'homme. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Les bravos, Nicolas Rousselier, les bravos me paraissent saluer une extrême banalité au service d'une apparente unité. On est là dans la caricature. Dès la fin du 19e siècle, on dépasse cette caricature. Les chefs de l'État, les présidents de la République utilisent leur voyage en province de façon plus efficace pour leur rôle, avec toutes sortes de prudence néanmoins, pour ne pas laisser croire qu'ils prétendraient, avec je ne sais quelle condescendance, se hausser du col au-dessus de la moyenne de leurs compatriotes. La politique cérémonielle des présidents de la République a été en fait le domaine par excellence où les présidents ont pu paradoxalement prendre leur revanche. Leur revanche sur quoi ? C'est-à-dire leur revanche sur leur quasi-nullité juridique et politique. Ils n'avaient pratiquement aucun poids sur le processus de décision, sous la Troisième République notamment. Et donc, ils étaient devenus effectivement ces caricatures pour chansonniers. Ils choisissaient quand même les chefs de gouvernement. Oui, mais avec quand même beaucoup de contraintes. Il y a un domaine où en fait on les a laissés faire en quelque sorte, c'est ce domaine des voyages. Alors pendant longtemps c'est uniquement des voyages en province, en France. Et ces voyages vont se révéler de très grands succès populaires. Une visite de Félix Faure à Marseille, je crois que c'est en 1896, c'est 70 000, 80 000, peut-être 100 000 personnes enthousiastes. Alors c'est vrai qu'il y avait le président du conseil, Léon Bourgeois, un radical qui accompagnait le président. Et dans cette ville assez chaude, il était possible que les applaudissements allaient aussi en direction du président du Conseil. Mais quoi qu'il en soit, c'est un domaine de succès. Ils ont refait en fait une partie de leur retard grâce à cette politique cérémonielle. Mais, vous l'avez souligné, à une condition, c'est que ce succès indéniable que l'on mesure dans les archives, ce succès doit se faire sur une rhétorique de la bonhomie, on peut dire. Il faut qu'il se présente comme humble. Par exemple, quand il y a des applaudissements, la phrase rituelle, c'est dire « je sais que ces applaudissements ne s'adressent pas à ma personne, mais s'adressent à ce que je représente », c'est-à-dire s'adressent à la République, à la France entière. C'est ce que dit le président Falière, avec humour d'ailleurs. C'est un homme d'humour, en septembre 1906, il dit « il est nécessaire que je sois modeste quand on pousse des acclamations sur mon passage ou qu'on m'adresse à brûle-pourpoint des éloges ». Il sied que je baisse les yeux et que je réponde, ce ne sont pas à moi que s'adressent ces applaudissements et ces louanges, mais à la République dont je suis l'humble représentant. Fin de citation. Même quand on entend ce discours apparemment qui est le comble de l'insignifiance, il y a quatre saisons en France, c'est pour ça que nous avons une bonne agriculture, nous avons de très bons vins, etc. En même temps, quand on entend plutôt vers la fin du discours, et on est en juillet 1939, il dit « cultiver les vertus de notre race ». Vous avez entendu comment il dit le mot « race », il le prononce très fortement. Et il dit « affirmation du bonheur, la joie de vivre ». Et c'est à ce moment-là que les gens applaudissent. Et là, ce sont quand même aussi des allusions très fortes à ce que la République apporte aux Français, ou ce que les Républicains pensent qu'elle apporte, c'est-à-dire le progrès social. Et donc Albert Lebrun, qui est très loin d'être un socialiste ou même qui n'est pas de gauche, ici, il fait un discours présidentiel qui se doit de, en fait, synthétiser à la fois la droite républicaine, la droite modérée et la gauche. Encore un Lorrain, d'ailleurs. Oui, encore un Lorrain, comme Poincaré. Et donc la gauche, qui, bien sûr, est celle du Front populaire. Et donc, ici, il y a une fonction du discours présidentiel qui a longtemps été importante et qui est, à mon avis, la clé pour comprendre le succès de cette politique cérémonielle. C'était des discours qui portaient sur la concorde nationale. C'est-à-dire qu'il y a probablement un registre de la politique en général, qui doit être occupée par quelqu'un. C'est le registre où, en fait, on dit ce qu'il y a de commun. Il y a vraiment invention d'une mise en scène neuve de la République. Et le président devient une sorte de chef d'orchestre, dites-vous, de la civilité républicaine. Oui, à la condition que ce chef d'orchestre ne soit jamais mis en avant, c'est-à-dire ne soit jamais en position, même géographiquement, dans les banquets, dans les cortèges. Par exemple, dans les cortèges, il y avait la voiture du président. Il ne l'occupait jamais seul. Il fallait au moins trois autres personnages à ses côtés. Comme si la République se méfiait de la mise en scène valorisante et individualisante du président. Et je sais que dans le journal, le formidable journal de Vincent Auriol, on voit Vincent Auriol qui peste littéralement contre une autre mise en scène des années 47-49, mise en scène parallèle au voyage de Auriol, qui est la mise en scène de De Gaulle. Et le De Gaulle, président du RPF, le parti gaulliste, qui lui, évidemment, ne lésinait pas dans une mise en scène que Auriol trouvait quasiment fasciste, parce que c'était des grandes tribunes où De Gaulle apparaissait tout seul, faisant le grand V, des gestes donc de mise en scène individuelle. Pour Auriol, c'était le comble de l'anti-république, ce type de mise en scène. Il faut aussi noter que se met en place progressivement ce qu'on a appelé la presse présidentielle, qui contribue à la communication, mot actuel, mais qui existe déjà, la communication du chef de l'État. Il y a des photographes et des journalistes qui se retrouvent. Il y a d'ailleurs une association de la presse présidentielle qui se retrouve régulièrement, qui accompagne les présidents, notamment à l'étranger. Par exemple, le voyage de Loubet en Russie, au début des années 1900, qui est un grand succès, après la naissance de l'Alliance franco-russe. Il y a un livre qui est publié avec des photographies d'un photographe qui est toujours avec le président de la République, qui s'appelait Piston. Il mérite d'être salué d'ailleurs, d'autant plus qu'il se trouve, c'est anecdotique mais après tout assez symbolique, il se trouve à côté du président Doumer lorsque celui-ci est assassiné par Gorgoulov en 1932. Et au lieu de prendre une photo, il tape sur l'assassin avec le trépied de son appareil, au lieu de prendre la photo. Jusqu'où va l'affection pour le président aux dépens de la conscience professionnelle? Mais ça, c'est encore un autre signe qui montre que ces voyages, dont on s'est beaucoup moqué, étaient en fait des grands succès. C'est que, en dépit de leur caractère répétitif, routinier, et c'est vrai du point de vue du discours apparemment insignifiant, il n'empêche que la presse, les médias continuent d'en rendre compte. Il y a un compte-rendu dans le journal officiel, il y a ces journalistes qui sont quasiment des journalistes officiels, qui sont choisis sur le volet et qui ne sont pas des journalistes de seconde zone. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont les principaux rédacteurs des grands journaux, de la grande presse parisienne. Ils accompagnent le président. Ils font des articles et notamment des photos. Et on peut signaler aussi que juste un peu avant la Première Guerre mondiale, les voyages sont filmés. Un journaliste pour Pathé et un autre pour Gaumont. Et je pense que là, il y a aussi, il faudrait l'approfondir, il y a probablement aussi une transformation de l'image des présidents, je pense à travers les fameuses actualités cinématographiques qui ont tant marqué les esprits des Français dans les années 20 et 30. On applaudit encore les présidents dans les salles de cinéma. Voilà, et même un président qui n'a pas laissé un grand rôle dans l'histoire, on en parle depuis tout à l'heure, Albert Lebrun, je crois qu'il a quand même marqué l'horizon mental des Français parce que il, je dirais, en dépit de son caractère assez moyen d'un point de vue politique, il est quand même celui qui est le chef de l'État, donc notamment dans la réception de d'autres chefs de l'État en France, dans des voyages, il est celui qui représente la France. Et je pense que l'horizon mental a largement précédé, en fait, le gaullisme de la Ve République. Autrement dit, De Gaulle s'installe, je dirais pas dans un fauteuil, mais il s'installe, je dirais, dans un cadre, pour faire un anachronisme, on pourrait presque dire un logiciel, qui est déjà présent chez les Français, à savoir qu'il y a non seulement besoin d'une figure, d'une figuration du pouvoir, mais que cette figure ne soit pas un simple pantin, et que donc on lui accorde une capacité à peser sur la décision. D'ailleurs, dans l'entrevue de la libération entre De Gaulle et Albert Lebrun, on sent sous-jacente l'évidence que si Lebrun, il en avait la possibilité, avait choisi que les pouvoirs publics partent pour l'Afrique du Nord, comme cela était presque le cas, au lieu de désigner Pétain, les choses auraient changé. Ce chef de l'État aurait vraiment été un chef, il y aurait eu un État. Dès la guerre de 14-18, on voit Raymond Poincaré s'emparer de ce que les circonstances lui proposent pour élargir son influence. Écoutez par exemple ce discours qu'il prononce le 14 juillet 1915 à l'hôtel des Invalides, dans la cour des Invalides, à l'occasion du transfert des restes de Rouget de Lille. C'est ce qu'on avait inventé à l'époque. Rouget de Lille, l'auteur de la Marseillaise, c'est ce qu'on avait inventé à l'époque pour signifier, pour incarner l'unité nationale. Raymond Poincaré, juillet 1915. Quoi de plus, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Depuis de longues années, notre démocratie laborieuse se plaisait aux travaux de la paix. Elle ne cherchait qu'à entretenir avec toutes les puissances, des relations courtoises. Elle aurait considéré comme un criminel ou comme un insensé tout homme qui aurait osé nourrir ses projets belliqueux. L'histoire dira la suite. Elle dira comment l'Autriche, malgré les avertissements réitérés de l'Italie, a prémédité une attaque contre la Serbie. Elle dira comment cette petite et vaillante nation a, sur les conseils de la Russie et de la France, répondu dans les termes les plus conciliants à un ultimatum injurieux. Elle dira comment l'Autriche, au lieu de se laisser désarmer par cet exemple de modération, a persévéré dans son dessein meurtrier. Elle dira comment, depuis le début de cette crise redoutable, le gouvernement de la République n'a cessé d'agir auprès de tous et avec une volonté tenace dans le sens de la paix. Il est notable, Nicolas Rousselier, que Raymond Poincaré ait été en Russie au moment précisément où éclate la crise finale, celle qui conduit à la Grande Guerre. Il était accompagné du président du Conseil, René Viviani. Oui, et il dit en plus dans ses notes journalières, qui ensuite ont été publiées en partie, que Viviani n'avait absolument aucune connaissance des dossiers diplomatiques. Et donc là, on voit un point intéressant, comme quoi les choses ne sont pas figées à l'avance. Là, on a un président qui est une vraie tête politique, Poincaré, et on a un président du Conseil, tout à fait dans la lignée des présidents du Conseil des années de la Belle Époque, des années 1900, un très grand orateur, vraiment un très grand rhétoricien, mais qui n'est pas un homme de dossier. Et Viviani avait cette très grande éloquence, mais pas finalement de travail politique au sens moderne du terme. Il est resté connu pour une phrase que Clémenceau trouvait incroyablement poulée, à propos de la loi de 1905, « Nous avons éteint dans le ciel des étoiles qui ne se rallumeront plus ». Mais Viviani, donc, n'a pas de capacité, en fait, à vraiment préparer des décisions. Et sur le bateau qui mène en Russie, c'est Poincaré qui le brief, si on peut dire, sur ses principaux dossiers. Et on voit donc que Poincaré, en 1913, en 1914, a, encore en 1915, a un rôle essentiel, cette fois-ci, dans la décision. Décision diplomatique, militaire. Et qu'on parlait des voyages il y a un instant. Poincaré, évidemment, ne va pas continuer des voyages une fois que la guerre est commencée en province. Il ne va pas s'amuser à se balader en France et à faire la fête. Mais il va utiliser l'arme du voyage, et on voit que c'est une arme politique, parce qu'il va aller faire des visites très nombreuses sur le front, ou disons pas loin du front. Bien sûr, pour montrer sa solidarité, sa présence auprès des soldats, auprès des poilus, mais aussi une fonction qui, à l'époque, n'était pas connue, et que l'on voit dans ses notes journalières, à savoir qu'il allait discuter avec les officiers sur le terrain, officiers généraux, officiers supérieurs, pour savoir ce qui se passait. Et il a acquis comme ça une information de première main sur, par exemple, le caractère contre-productif, inefficace des offensives, ce qui lui a servi en fait en quelque sorte de capital de pression par rapport au grand état-major, par rapport à Joffre, qu'il n'aimait pas trop. Et fin 1916, il est l'un des acteurs importants pour se débarrasser de Joffre, lui donner le bâton de maréchal et le remplacer par Nivelle. Et ensuite, après Nivelle, c'est Pétain. Donc, ce qu'on a appelé les crises du haut commandement sous la Première Guerre mondiale sont liées, en fait, à la force politique réelle du président de la République Poincaré, même s'il n'est pas le seul. Naturellement, quand arrive Clémenceau, il y a un rééquilibrage au profit de celui-ci. Voilà. Et Clémenceau, par différents procédés, va justement, en quelque sorte, priver Poincaré de ses canaux d'information. Notamment dans l'organisation. Alors c'est un peu le petit bout de la lorgnette, mais c'est quand même très intéressant à voir comment on organise, par exemple, le Conseil des ministres. Toutes les questions, par exemple, de circulation des dossiers avant le Conseil. Il est très clair, par exemple, que si on ne fait pas circuler un ordre du jour ou les informations qui permettent de préparer à l'avance le Conseil... Bavardage. Le jour où le président arrive dans un Conseil, il ne sait pas exactement ce qui va être discuté, il n'a pas les moyens de peser. Clémenceau a en fait court-circuité largement Poincaré, mais pas totalement non plus. Pas totalement. On a un président de la République, Poincaré en l'occurrence, qui sort de la Première Guerre mondiale extrêmement meurtri. Parce que, à la fois, il a l'impression d'avoir joué un vrai rôle, ce qui est indéniable, au moins pour les deux ou trois premières années, et ensuite d'avoir été frustré des lauriers, en fait, de l'opinion par Clémenceau. Voilà, parce que Clémenceau, lui aussi, fait ses voyages sur le front. Il a cette faculté d'attirer les regards, la sympathie du poilu. Voilà, il sait trouver les bons mots. Donc il s'est s'habiller aussi. Il s'est moqué souvent de Poincaré, prenant sur la tête une casquette de chauffeur de grande maison. C'est un peu ça, d'ailleurs, quand on le voit, alors que lui se met un vieux feutre. Et là, c'est très moderne, parce qu'on voit des hommes politiques faire des erreurs, mais des erreurs très pardonnables, d'ailleurs, si je puis dire, mais des erreurs de vêtements, d'allure. Poincaré n'y a pas pensé. Il pensait que sa fonction, en fait, le protégeait. Clémenceau, lui, il avait visiblement bien compris l'importance de cette allure. Le septennat de Poincaré marque une évolution notable dans l'extension du rôle du président, y compris d'ailleurs d'un point de vue budgétaire. À partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, le budget de l'Élysée va augmenter, effectivement. C'est en partie pour rattraper la dépréciation du franc, mais c'est aussi un signe, effectivement, d'augmentation du rôle de l'Élysée. Simplement, si cette histoire des présidents n'a pas forcément toujours été bien visible, c'est pour une raison simple, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas finalement cumulative. Parce qu'on a à la fois des présidents actifs, on a cité Poincaré, et puis tout d'un coup on a un gouffre. Parce qu'à la suite de Poincaré, au lieu d'avoir Clémenceau, on a le brave et pauvre, il faut bien le dire, président Deschanel. Comme dira Clémenceau, ils avaient craint d'élire lui-même un président gâteux, et bien ils en ont eu un quand même. Oui, exactement. Donc on connaît les épisodes fâcheux qui ont émaillé la courte présidence de Deschanel. Et du coup, ça, je pense que ça a de nouveau alimenté cette légende risible des présidents de la République, leur côté ridicule. Deux pas en avant, un pas en arrière. C'est comme les pèlerins d'Echternach, vous savez, au Luxembourg. On finit par arriver au but. Néanmoins, il y a une extension sur la longue durée des pouvoirs du président. C'est ce que vous nous montrez dans votre livre, Nicolas Rousselier. Parce que justement, après Deschanel, on a de nouveau une augmentation. Et c'est le cas très, très intéressant d'Alexandre Milran. Ah, il faut s'attarder sur Alexandre Milran, qui a été président entre 1920 et 1924, pour diverses raisons, à la fois pour ce qu'il a cherché et pour la façon dont il est tombé. Il a cherché très clairement à reconstruire une présidence forte après l'épisode Deschanel, là aussi en termes d'organisation, donc un peu plus de monde autour de lui à l'Élysée. Cette maison capitale augmente sous Milran. Il a aussi ses antennes, ses canaux d'information, puisque avant d'être président, juste avant, il est président du Conseil. Donc il garde ses antennes, notamment au Quai d'Orsay, puisqu'il menait la politique extérieure, notamment la politique des réparations vis-à-vis de l'Allemagne. Les diplomates viennent le voir. Il continue à être informé, et lui-même a absolument l'intention de rester un mentor, quelqu'un qui est une sorte de surveillant général de la politique extérieure de la France. D'où quelques problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les présidents du Conseil, qui se succèdent sous sa présidence, notamment une tension avec Aristide Briand. Dans la conférence de Cannes en janvier 1922, Milran a pratiquement forcé la main à son président du Conseil pour réorienter la politique française. Là, c'est une première, vraiment. Première. C'est presque une sorte de innovation constitutionnelle, puisqu'il y a même des télégrammes que j'ai retrouvés, des télégrammes du président au nom du Conseil des ministres. Parce qu'il faut se souvenir que, bien sûr, dans la tradition française, c'est bien le président qui préside le Conseil des ministres, puisque le Conseil a lieu à l'Élysée. Ça, on n'y a jamais disputé cette influence. Voilà. Et donc, tout dépend de ce qui se passe au Conseil des ministres. Oui, alors, mais là, il s'est appuyé sur des ministres qui étaient contre ce que Briand était en train de dire et négocier avec le Premier ministre britannique. Et donc, il a fait une sorte de petit coup d'État interne au Conseil des ministres. Alors, après, on lui a fait payer, en fait, ces innovations. Il faut dire qu'en politique intérieure aussi, il a cherché à affirmer la nécessité de l'extension de son pouvoir et qu'il a pris parti pour la majorité sortante de centre-droit, la majorité de la Chambre dite Bleu Horizon, voilà. Dans un fameux discours d'Evreux dont il faut que vous nous disiez un mot. Voilà, le discours d'Evreux, c'est octobre 1923. Donc c'est un peu comme pour aujourd'hui, une campagne qui s'annonce longtemps à l'avance. C'est la campagne électorale pour les législatives, qui aura lieu 8 ou 9 mois plus tard, en 1924, celle qui va voir le triomphe du cartel des gauches. Et là, en octobre 23, à Evreux, on voit que c'est un voyage. Donc on voit très bien que certains présidents, quand ils le veulent, peuvent totalement transformer l'arme du voyage en arme politique. Et là, c'est un discours fracassant pour deux raisons. D'abord, il annonce qu'il faudra peut-être un jour réviser la Constitution. Donc on est un peu quand même, c'est un peu surréaliste, puisque c'est le président de la République, normalement gardien des institutions, qui annonce la nécessité d'une révision. Et puis deuxièmement, il se présente comme le défenseur du bilan. Le bilan du bloc national, de la législature, et en fait comme chef de majorité. Ça aussi, c'est très nouveau. Mais on retrouvera ça sous Auriol. Auriol sera une sorte de chef de majorité de la troisième force contre les communistes et contre les gaullistes. Entre 1947 et 1953. Et donc on a un rôle de plus en plus politique. Mais Milran évoque aussi la possibilité que le chef de l'État puisse à l'avenir dissoudre la Chambre des députés. Et cela, évidemment, révulse un certain nombre de vieux républicains. Oui, les idées constitutionnelles de Milran sont intéressantes parce qu'on va voir qu'elles peuvent annoncer De Gaulle. En ce sens qu'il y a le droit de dissolution, le fait que le président devra être vraiment le chef du gouvernement, au sens fort. Mais aussi, il a regardé des anciens projets qui avaient existé au début de la Troisième, des projets d'une élection élargie. Donc un corps électoral qui ne serait pas le peuple tout entier, mais quand même un corps électoral qui irait au-delà des parlementaires, qui intégrerait les membres des conseils généraux, peut-être des délégués des conseils municipaux. Bref, à peu près la formule de 58. Et tout cela explique pourquoi Milran, dans l'histoire de notre République, de nos républiques, est le seul à avoir été démis de ses fonctions par la nouvelle majorité. Voilà. Expliquez-nous ça. Alors, 1924, victoire de la gauche, enfin, victoire d'une alliance électorale entre les radicaux et puis de l'autre côté les socialistes. Et on voit, on est en 1924, malgré l'expérience de la guerre, le besoin d'un pouvoir fort, on voit la durée, la durabilité de cette vieille tradition républicaine de méfiance à l'égard du pouvoir personnel, du pouvoir d'un seul. Les républicains de 1924, les républicains de gauche, font en fait leur alliance, Parce qu'en réalité, pour unir des radicaux et des socialistes sur le programme économique, il faut se lever tôt, hein, c'est très difficile. Donc l'alliance, elle peut se faire sur, effectivement, ces vieilles et honorables pensées que sont pas de risque de dictature, pas de pouvoir personnel. Donc on s'en prend à Millerand, on fait une sorte de grève des ministères, on refuse de former un ministère. On refuse d'accepter aucun président du Conseil désigné par le président de la République. C'est ça, donc en fait, ça, c'était un blocage, un véritable blocage. On peut parler de crise constitutionnelle en 1924, en juin 1924, et au bout d'un moment, Millerand, qui se souvient quand même lui-même d'avoir été un républicain de gauche, même socialiste, à la fin du XIXe siècle. Longtemps avant. Voilà, Millerand, assez vite, il faut bien le dire, pour son crédit, Millerand, assez vite, décide de démissionner et de ne pas prolonger la crise constitutionnelle. Il y a un autre moment qui est intéressant, précisément à la fin de la période Lebrun, c'est le moment où le pouvoir exécutif renforce son influence, son pouvoir, met en place, à partir du Front populaire et avec Daladier ensuite, des mécanismes qui permettent de renforcer l'exécutif aux dépens du pouvoir législatif. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, de façon intéressante, que Édouard Daladier, le chef du gouvernement, on le connaît surtout à propos de Munich, à l'époque, il apparaît comme un radical d'autorité. Mmh. Édouard Daladier, inaugurant une statue à Émile Loubet, à Montélimar, le 2 avril 1939, met en lumière, cela m'a paru intéressant, ce que Loubet avait pu déployer d'influence en allant directement contre l'image traditionnelle des présidents impuissants. Il sut apporter à l'exercice de la plus haute charge de l'État cette simplicité, cette modestie, qui est en effet le fondement des démocraties, et qui assurera la vie des démocraties contre tous les régimes qui sont fondés sur le orgueil. Mais tant de bonhomie et de réserve cachait aussi un sens très net de l'autorité, une fermeté dans la résolution, une clarté de jugement qui le rendait digne de veiller sur le destin du pays. Et c'est ainsi qu'il eut l'honneur de travailler pendant 7 années au développement des amitiés et des alliances de la France. C'est la marque même des grands chefs d'État, de ceux qui ne se bornent pas à accomplir leurs fonctions avec scrupule et avec exactitude, mais qui savent prévoir l'avenir et qui se considèrent comme responsables de l'avenir de leur patrie. Il resserra l'alliance franco-russe. Il renoua nos liens d'amitié avec l'Italie. Il entretint ce qui existait déjà avec l'Espagne. Et sa simplicité souriante, lorsqu'il voyageait ainsi à travers l'Europe, lui assurait la sympathie des monarques les plus absolus, et à son tour, après les avoir salués dans leur capitale, il les recevait en France avec une cordialité qui avait peut-être, sur la décision future de ses chefs d'État, plus d'importance que s'il avait essayé de lutter avec eux d'autorité, d'orgueil ou de domination. Il se peut, n'est-ce pas, Nicolas Rousselier, que Daladier exagère un peu rétrospectivement l'influence de Loubet, mais comme toujours, l'histoire est bonne fille quand on veut s'en servir et qu'on est au gouvernement. Et c'est probablement pour servir l'affirmation de son pouvoir renforcé que Daladier évoque de cette façon le président Loubet. C'est très intéressant ce discours, on est en 1939, donc il parle d'un président qui a présidé la République 30 ans avant, et il exagère, comme vous le dites, il exagère même de beaucoup le rôle réel du président dans les décisions. Et il parle de la Russie, de l'Italie, des liens avec l'Espagne. En fait, il en fait pratiquement un chef d'orchestre de la diplomatie française, ce que n'était absolument pas le président de la République dans les années 1900, ce que n'était absolument pas Émile Loubet. Les décisions des alliances, notamment pour la Russie, c'est des décisions prises d'abord par les militaires, les états-majors, et ensuite orchestrées par le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay était la grande puissance décisionnelle de la Troisième République. Théophile Delcassé. Exactement, Delcassé a joué le rôle essentiel à cette époque-là. Pourquoi Daladier, en 39, a-t-il besoin, en fait, d'accorder beaucoup plus à un président? Alors c'est là, je pense que c'est très passionnant, parce que d'un côté, on peut dire, au fond, Daladier a déjà peut-être senti l'évolution de l'opinion, c'est-à-dire senti le fait que, quand bien même ça n'est pas vrai, le président de la République, dans l'idéal et peut-être dans l'avenir, devra être changé, devra être doté de nouveaux pouvoirs. Et on note, par exemple, les expressions utilisées par Daladier. Il dit, en parlant de Loubet, mais en fait, il parle d'un Loubet dans le futur, grand chef de l'État, prévoir l'avenir, responsable de l'avenir de leur patrie. C'est des termes gaulliens qu'on retrouve presque dans la Constitution de la Ve République. Ici, on a un portrait très intéressant. Et puis, l'autre aspect, comme vous venez d'y faire allusion, c'est qu'en avril 1939, Daladier est l'équivalent du Premier ministre, le président du Conseil. Il a un pouvoir important. Il s'appuie sur une majorité, mais surtout, on parle à cette époque-là de dictature Daladier, parce qu'il gouverne par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les pleins pouvoirs, terme de l'époque, c'est-à-dire ce système qu'on a appelé les décrets-lois, où en fait le gouvernement peut pratiquement gouverner en direct. On dirait ordonnance aujourd'hui. Oui, absolument. C'est exactement dans la Ve République ce qu'on appelle les ordonnances. Au fond donc, il peut gouverner en se passant pour un certain nombre de décisions, par exemple le réarmement. Il peut se passer du passage par le Parlement. Donc, il fait, à travers Loubet, au fond, le portrait de lui-même, et peut-être, c'est une hypothèse, peut-être le portrait d'un Daladier candidat à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 39. Alors, en fait, ils ne vont pas choisir cette solution, on va choisir la solution de garder Lebrun. Et donc, si on a Lebrun en 1940, c'est parce qu'on lui a donné, en fait, un second mandat. Je voudrais maintenant, pour clore cette émission consacrée au président de la République, leur rôle, leur influence, leur apparence, jusqu'à 1958, par comparaison avec aujourd'hui, Nicolas Rousselier, je voudrais que nous attardions un instant sur la personnalité de Vincent Auriol, qui est le président, donc, entre 1947 et 1953. Il est remplacé en décembre 1953 par René Coty. La première constitution de 1946, qui a été rejetée par le peuple, affaiblissait significativement le rôle de l'hôte de l'Élysée, beaucoup. Et puis on est revenu à plus d'influence, un polygone de sustentation plus large pour le rôle du président. Et c'est cette fonction que Vincent Auriol investit, l'ancien ministre des Finances du Front Populaire, investit avec le désir de jouer un rôle essentiel. Que à la fois, non seulement dans la représentation, mais aussi dans l'information pour servir l'action. En fait, Auriol a une idée très précise de ce qu'il veut faire avant même d'entrer à l'Élysée. Et j'ai été frappé dans les archives en voyant que dès janvier 47, il a mis au point un véritable règlement du travail intérieur. Et finalement, c'est un document beaucoup plus parlant qu'au fond la Constitution, n'en déplaise aux juristes, si je puis dire. Parce que ce règlement intérieur, il dit comment s'organise un Conseil des ministres, il oblige les ministres à envoyer des documents préalables à l'Élysée pour que le président soit au courant, mais en plus, ces documents qui vont venir des différents ministères seront traités à l'Élysée par les conseillers dont on parlait tout à l'heure, par cette quinzaine de conseillers très compétents qui font des notes de synthèse. Par exemple, ça peut paraître un peu surprenant, mais la note de synthèse, on aurait imaginé qu'elle existe presque depuis toujours. Eh bien non, la note de synthèse, moi je la vois apparaître seulement avec Vincent Auriol. Note de synthèse de Raymond Jeannot, son conseiller juridique, de Kosciusko-Morizet, de Forgeot. Jeannot qui a ensuite d'ailleurs eu un rôle important dans l'élaboration de la Constitution de 1958, avant d'être très présent dans les médias. Voilà, donc c'est vraiment des personnes tout à fait compétentes qui donnent une force concrète de tous les jours, où on peut intervenir tous les jours pour traiter l'information, recevoir, par exemple, il reçoit beaucoup de militaires, des militaires qui, de l'âtre, etc., qui ont un rôle premier en Indochine. Aussi pour servir leur propre carrière, ce qui est un signe, effectivement, nouveau d'influence. Il faut passer par l'Élysée. Il faut aller voir le président à l'Élysée si on veut avoir la chance d'être nommé le futur commandant en chef en Indochine. Accès à tous les télégrammes diplomatiques, ce qui est également nouveau. Oui, alors ça c'est toujours un peu délicat, c'est toujours un peu une guéguerre avec le Quai d'Orsay. Il reçoit des télégrammes, pas forcément tous, il en réclame plus. Mais en tout cas, on voit que ça a changé, c'est-à-dire que le président a cette capacité à parler fort et à demander au ministre de l'informer au préalable, de l'informer en amont du processus. Parce qu'en fait, quand on parle de décision, le grand public souvent s'imagine que la décision, elle appartient à un homme et qu'elle se fait à un moment X. En réalité, c'est évidemment tout un labyrinthe, un très lent processus. Et donc, ce processus de décision, c'est la chance d'un président à la manière de Auriol. Auriol, c'est clair, il n'a pas la légitimité du suffrage, donc il ne peut pas taper du poing sur la table, ni au Conseil des ministres, ni en dehors. Mais il est là, il est informé, il a toute une batterie de dossiers qui ont été fournis par ses conseillers. Dans les conseils des ministres, il intervient. Par exemple, c'est assez savoureux, un jour il intervient, c'était au début du mandat, il intervient contre un ministre, le ministre de l'Agriculture, qui proposait une forme, si vous voulez, pratiquement de nationalisation du marché de la viande, quelque chose comme ça. Et il s'écriait en disant « mais c'est du fascisme, c'est du totalitarisme ». Il emploie le terme « totalitarisme ». Alors que le Front populaire, quand il était ministre, avait créé un office du blé qui n'était pas tellement différent. Et voilà, absolument. Et l'ironie, c'est que le ministre en question était SFIO, donc socialiste. Du coup, point de vue de sa capacité d'information, on a noté, on a su après coup qu'il avait installé, figurez-vous, dans le meuble de son bureau, secrètement un magnétophone, un des premiers magnétophones arrivés des États-Unis d'Amérique, et qu'il enregistrait à leur insu la conversation qu'il pouvait avoir avec toutes sortes de dirigeants politiques. Ceci, quand ils l'ont su plus tard, quand on a publié les papiers d'Auriol, on a été, à vrai dire, stupéfaits. Oui, mais enfin, on peut porter gloire quasiment à Auriol de cette entourloupe, parce que lire le journal de Vincent Auriol... Alors, il y a une version abrégée en un tome. Mais sinon, ceux qui ont le courage de se lancer dans la lecture de tous les tomes, c'est une mine absolument extraordinaire. Moi, je l'ai beaucoup utilisé et on rêverait d'avoir ça pour les présidents précédents ou pour les présidents qui ont suivi Vincent Auriol, les présidents de la Ve République. Il faut aussi préciser que De Gaulle, pour expliquer l'échec final du RPF au début des années 50, De Gaulle a reconnu que le rôle principal avait été joué par Auriol. Donc en fait, il reconnaissait en Auriol un grand stratège politique. Et au lieu de dénoncer tel ou tel homme politique du Parlement, il pensait que c'était Auriol qui avait finalement réussi à transformer le RPF en finalement un échec politique. René Coty, qui est le dernier président antérieur à la Ve, avait peut-être une personnalité moins forte, mais il a joué un rôle essentiel en décidant de faire appel au général de Gaulle. Premier des Français devenant le premier en France, nous l'avons entendu tout à l'heure, de faire appel à lui au moment de mai 58, ce qui a favorisé beaucoup le passage d'un système à l'autre. Un système dont finalement vous nous dites que certes, il marque davantage la place du président de la République et son rôle qu'antérieurement, mais avec un contraste moins frappant, ça a été le thème général de notre conversation, que certains ne le croient souvent. Oui, et puis il faut par exemple souligner que De Gaulle, une fois qu'il est président... Il continue exactement le même type de voyage que faisaient ses prédécesseurs de la 3e et de la 4e, et avec souvent des morceaux de discours qui ressembleraient comme deux gouttes d'eau à des discours lénifiants et routiniers de la 3e, où il vante les mérites de la région qu'il traverse ou qu'il visite, avec ce discours sur la Concorde. Nicolas Rousselier, merci. Je crois que vous aurez contribué à éclairer la réflexion de nos compatriotes un an avant l'élection présidentielle. Je rappelle le titre de votre opus magnum, de votre livre majeur, La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle, qui est paru tout récemment chez Gallimard en 2015. Vous trouverez naturellement une bibliographie complète sur notre site et vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain... Nous parlerons, je crois que beaucoup de nos auditeurs seront concernés parce que beaucoup sont soit propriétaires, soit locataires. Nous parlerons des propriétaires de points bienveillants ou impitoyables, point d'interrogation. Et je recevrai pour en parler une spécialiste de ce thème majeur, Danielle Volman. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée, comme chaque samedi, par Patrick Molinier, avec à la prise de son Cédric Châtelus, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.